fois vu s'inverser. Bouleversé d'avoir vu que tant de larmes pouvaient se déverser. Ravissante vertu, ravise et aversée, venant faire savoir que je m'évertue. Plus qu'à pas me faire renverser, vu que mes yeux versent en averse. L'encre rouge, celle de ses versets, envers celle qui m'enverse. À rendre de verser, jam slam percé. S'il a perçu un mal précis sans précédent, l'incicatrisation de mes blessures, chaîne de vie venue sur moi faire ses dents. Mon cœur est glacé, lacéré s'effondre en bris de glace. Les poignets lassés, hélas, ses rêves se fondent dans une valse. Peine en lasse, hélas, et laisse râler sur stèle pour seule trace. Ne sera grâce que par ses lacets, amnistié d'un coup de grâce. Où sont-elles passées? Mais si ma plus mon placier, mes cauchemars se font de ses rêves. L'enfer me saura faire fondre mon glacier. Ma frise me dessine au prix de ses crises d'amertume. Un noir dessin me destine à deviser briser la lune. Un mal logé, un simple regret. Mes proches et mes projets me le projettent. Plus d'apogée, seul obstacle mec. Un simple regret, rêve de ville rejet. Un simple regret, une mer de peine me noie. Mes pleurs, mes peurs m'envoient sur ces rochers. Ma insane resserre ses chaînes parce que mon cœur en est le rocher. Un mal logé, un simple regret, mes proches, yeah, mes projets, yeah, mes projets, yeah. Je suis ce garçon à la base qui a fait des rivages de paysages de bagnoles. Je me dévisage qu'un quartier représente celui qui dort dans sa bagnole. Je fixe le mur, il m'accole, la solitude pour acolyte. Réflexe d'alcoolique, client de la dernière danse qu'elle accorde. Le pan du tang, il prend son temps, oui, fixe la corde. Team passif sort du ventre de sa mère pour se mettre en accord. Prends au mot sa rançon sans même percevoir le rapport. Plus que le rappel d'un message sur canson, fini drapé de remords. Un regard, un bastion, délesté de ton enchance. T'as tout perdu et la vie ne t'offre aucun horizon de vengeance. Tu donnerais tout pour un murmure, plus le moindre écu en poche. Passe la nuit sous la bribus, orphelin d'un mur pour le tatouer d'encoche. Peur de retrouver les tiens, aucun des tiens ne te le reproche. T'évites les salles bondées, plus en plus hanté par les rebords. Tu te sens prêt à couler, t'étouffes ton plafond comme un couvercle. La cellule est dans ta tête, force à d'une prison à ciel ouvert. Pris à genoux ton geôlier, genre d'inattendu revers. La règle est d'interroger, ranger la culpabilité dans son repère. Mal logé, simple regret, anonyme cache au grenier ses secrets, pris par l'attention qu'il requiert. Prêt à renaître et se lait, l'étau se resserre. Le plan serait lacéré si on lui retenait toute la route à refaire. Tout serait pas si sûr, regarde le ciel noircir. C'est quand tu perds tout que la cage se referme. Un mal logé, un simple regret. Mes proches et mes projets me le projettent. Plus d'apogée, seul obstacle mec. Un simple regret, grève de ville rejet. Un simple regret, une mer de peine me noie. Mes pleurs, mes peurs m'envoient sur ces rochers. Ma insane resserre ses chaînes parce que mon cœur en est le rocher. Un mal logé, un simple regret. Mes proches et mes projets me le projettent. Alarme blanche, je trace ma haine. J'ai cœur plus noir que le fond de ses mines. Ma seule lumière sur mon domaine, les lampadaires qui me dominent. Infirme ma forme, stéphile sous verre, je suis brimé fou. J'en perds le fou rire, je me force, mais mon regard reste grimé. Opprimé, mon propre crime pour te supprimer. Parce que je ne ris plus, à croire que je ne me lèverai plus. Pour épleu, un mal logé, un simple regret. Mes proches et mes projets me le projettent. Un mal logé, un simple regret. Mes proches et mes projets me le projettent. Plus d'apogée, seul obstacle mec. Un simple regret, rêve de ville rejet. Un simple regret, une mer de peine me noie. Mes pleurs m'envoient sur ces rochers. Ma insane resserre ses chaînes parce que mon cœur en est le crochet. Un mal logé, un simple regret. Mes proches et mes projets me le projettent.